Cette sorte de désir, alors pourquoi ne pas lui parler, ne pas juste lui dire, faire le premier pas. Je t'ai dans la peau, baby, tu me nous attire, ce n'est plus un jeu. Quand le poids des mots prend le pas sur le désir, c'est toi, toi seul que je veux pour construire mon avenir. Seul toi arrive à me faire oublier le pire. Tu m'as appris le verbe aimer. Avec toi tout est si pur, si différent. Avant jamais je n'aurais pu me dévoiler dans ce parfum d'éternité. C'est toi, toi seul qui es ma destinée. Je t'ai dans la peau, je t'ai dans la peau, bébé, tu me rends.